Living with a broken heart, I never meant to do you harm. Don't ever wanna see you cry again. Everybody hurts sometimes, I never meant to do you wrong. And now you're gonna be just fine, you said. Je priais pour nous tard le soir, tu m'as donné le dos plus d'une fois. Personne ne t'aimera comme moi, personne ne t'aimera comme moi. Maintenant faut me laisser, m'en aller, faut me laisser. T'es condamné, tu m'as délaissé depuis tant d'années. Mais sache que personne ne t'aimera comme moi. Maintenant faut me laisser, m'en aller, faut me laisser. T'es condamné, tu m'as délaissé depuis tant d'années. Mais sache que personne ne t'aimera comme moi. Living with a broken heart, I never meant to do you harm. Never wanna see you cry again. But everybody hurts sometimes. I never meant to do you wrong. Now you're gonna be just fine. Said. J'avais des problèmes, tu t'en foutais. Des problèmes de riche, on m'a vu manger celle le Phuket. Pourtant j'aurais tout fait, je me serais laissé étouffer. Façon de parler, mais tous les hommes sont pas pareils. Rends-moi l'appareil, ou alors on arrête. Je m'étais juré que tu serais la seule dans mon harem. Oui, tu ressembles à ma rhum, c'est pour ça que je suis piqué. Mais dis-moi de quoi t'as rap, on est juste en train de s'expliquer. What we get message que personne ne t'aime.